connaissez depuis quelques mois, la nouvelle lubie d'Internet et depuis quelques semaines celle des médias, les NFT pour Non-Fungible Tokens ou jetons non-fongibles en français, ces pièces numériques uniques certifiées par la blockchain et qui s'échangent moyennant des sommes rondelettes, notamment dans le milieu de l'art contemporain, pour posséder le titre de propriété d'une image, d'une vidéo, d'un morceau de musique, voire d'un tweet ou d'un extrait de match de foot, ce sont des millions de dollars qui sont en jeu. Outre l'aspect nouvelle bulle spéculative liée à la blockchain, les NFT promettent aussi une nouvelle expérience dans les jeux vidéo en ligne, alors NFT, effet de mode ou nouvelle modalité de transaction numérique. NFT, le crypto-art, c'est le programme pas donné qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ces NFT, à leurs usages et à leur pérennité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Balva, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de blockchain et crypto-actifs chez KPMG et nous sommes également en ligne avec Nicolas Pouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Blockchain Initiative et responsable du lab d'innovation stratégique d'Ubisoft. Elle est totalement infongible et vaut bien plus que n'importe quel NFT, même si c'est presque les mêmes initiales, hein, c'est fou. Il suffit de rajouter F, c'est pas votre deuxième prénom, Françoise. Vous seriez NFT. Non, vous êtes Natacha Triou pour le moment et c'est le journal des sciences. Et on commence, chère Natacha, par une étude parue hier dans la revue de Lancet Psychiatrie. Chez les survivants du Covid-19, un patient sur trois souffre de troubles psychologiques ou neurologiques. Oui, c'est à ce jour la plus grande étude sur l'impact du Covid-19 sur notre santé mentale. Une équipe britannique a examiné les données médicales de plus de 200 000 anciens malades du Covid-19. Il se trouve que 6 mois après l'infection, 34% de ces patients ont reçu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques. Alors, il s'agit en grande majorité d'anxiété, 17%, ou de troubles de l'humeur, 14%. Les troubles plus graves sont nettement moins fréquents, 0,6% d'hémorragie cérébrale, 2,1% d'accidents vasculaires cérébraux et 0,7% de démence. Mais ces résultats ne concernent pas que les cas de Covid sévère ou que des patients hospitalisés, même si les risques sont plus élevés pour ces derniers. Et après l'examen d'un groupe témoin de personnes touchées par la grippe ou par d'autres infections, il se trouve que les patients atteints de Covid-19 sont en effet plus susceptibles que les autres de développer des maladies cérébrales. Alors selon les auteurs, nos systèmes de santé doivent commencer à s'adapter pour prendre en charge ce qui ressemble déjà à une troisième vague psychiatrique. Voilà, et on va vous retrouver le lien vers l'émission qui était consacrée justement aux conséquences neurologiques et psychologiques de cette pandémie que nous traversons. Ça sera posté sur notre fil Twitter comme d'accoutumée, @laméthodefc. Et on passe au bref. Une étude parue dans Nature Genetics a identifié les gènes qui influencent la forme du cerveau et la forme du visage. Une équipe internationale a recoupé les données génomiques et les scans IRM de près de 20 000 Européens. Les chercheurs ont découvert 472 régions génomiques qui influencent la forme du cerveau lors de son développement, la fameuse forme en noix. Et sur ces 472 régions génomiques, 76 tiennent un rôle dans la variation des traits du visage. Alors, ces résultats suggèrent qu'au début de l'embryogenèse, le visage et le cerveau se façonnent mutuellement, mais aucune de ces régions génomiques n'a d'influence sur les capacités cognitives ou sur des troubles neuropsychiatriques, de quoi enterrer pour de bon la croyance selon laquelle l'intelligence d'une personne pourrait se lire sur son visage. Une étude parue dans Biomicrofluidics décrit un nouveau bioréacteur pour cultiver des organoïdes cérébraux. Et les organoïdes, ce sont comme de mini-organes cultivés in vitro, des mini-cerveaux de synthèse très précieux pour étudier le développement du cerveau humain. Les chercheurs du MIT ont conçu, à moindre coût, un bioréacteur amélioré. L'appareil a été baptisé bioréacteur microfluidique. Il s'agit d'une puce de 4 cm sur 3 qui contient des fluides riches en nutriments et qui peut être imprimée en 3D avec de la résine biocompatible. Alors, en plus d'être facile et peu cher à fabriquer, cet incubateur permet aussi une bonne visibilité des tissus. Il sera désormais possible d'observer en temps réel, sous un microscope, le développement des organoïdes cérébraux. Et enfin, selon une étude parue dans Physical Review Letters, les super-accélérateurs cosmiques existent bel et bien dans notre galaxie. Et des physiciens sino-japonais ont détecté des rayons gamma à ultra haute énergie le long de la Voie lactée. Les télescopes de AS Gamma Experiment, à 4300 mètres d'altitude au Tibet, ont enregistré 23 rayons gamma à des énergies records. Parmi eux, l'énergie la plus haute est de 957 téraélectronvolts. On frôle le pétaélectronvolt, c'est un record. Ces détections confirment l'existence de Pévatron, des super-accélérateurs cosmiques capables d'amplifier les photons vers ces énergies. La recherche de Pévatron pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui produit les rayons gamma de haute énergie qui traversent notre galaxie. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. De simples images disponibles par ailleurs gratuitement et reproductibles dont la propriété est vendue à prix d'or jusqu'à plusieurs de dizaines de millions de dollars sur Internet, le tout avec un soupçon de blockchain dedans, il n'en fallait pas plus pour fasciner les médias pour ce nouveau phénomène que sont les NFT, les jetons non fongibles, des titres de propriété a priori inviolables, qui peuvent être appliqués à peu près n'importe quel objet numérique, photos, vidéos, musique, éléments de jeux vidéo, même tweets ou extraits de rencontres sportives. Le 11 mars dernier, l'œuvre numérique Everyday is the First 5000 Days de l'artiste Mike Winkelmann a été adjugée à près de 70 millions de dollars. C'est notre archive toute récente du jour. I'm going to Disney World. Cet artiste, visiblement ravi, vient de vendre une de ses œuvres pour plus de 69 millions de dollars. 69 million. I think it probably means digital art is here to stay. Mike Winkelmann, alias Beeple, devient le troisième artiste vivant le plus cher au monde, derrière David Hockney et Jeff Koons. Et pourtant, cette œuvre, vendue aux enchères, n'existe que dans le monde virtuel et chacun peut en posséder un exemplaire sur son ordinateur ou son téléphone. Alors, qu'est-ce que l'acheteur resté anonyme va véritablement posséder ? C'est simple, un NFT. Quoi ? Le NFT, avenir de l'art numérique ou bulle spéculative ? Voilà, la question est posée, avenir de l'art numérique ou bulle spéculative, Claire Belva ? Voilà, c'est une vaste question. C'est une vaste question, on a une heure pour y répondre, donc on peut commencer doucement si vous le souhaitez. C'est vrai, non, mais c'est vrai que les NFT ouvrent vraiment le champ des possibilités pour l'art numérique, puisqu'un NFT vous garantit véritablement la propriété de l'œuvre numérique. C'est une preuve de contrôle, c'est une preuve de propriété sans tiers. Il n'y a pas de tiers de confiance qui va héberger la donnée dans un registre. C'est un peu comme les crypto-monnaies, en fait, hein. C'est un mouvement qui est cohérent avec l'émergence des crypto-actifs. On peut véritablement posséder des jetons numériques qui ont une valeur. Et donc, les NFT sont un nouveau support, tout simplement, pour l'art numérique qui avait du mal à émerger sans cette technologie-là. Mais justement, la question que je me posais, Nicolas Poir, en préparant cette émission, c'est comment est-ce qu'on explique, justement, cet engouement assez récent ? On va revenir sur l'histoire, on va voir que ça fait 4 ans, de facto, que ces premiers NFT sont apparus. Mais pourquoi est-ce que, d'un seul coup, il y a une sorte d'emballement spéculatif mondial autour de ces objets ? Ah, c'est assez difficile de répondre à cette question, mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que en tout cas dans les analyses qu'on peut entendre, c'est déjà l'hyperdigitalisation ou l'accélération de l'hyperdigitalisation due aux situations du Covid-19, ce qui a poussé les gens à être de plus en plus en ligne. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a eu un ensemble de succès qui au départ était un petit peu invisible dans ce monde des NFT. Et puis justement, ces succès grossissants, ça a commencé à toucher un petit peu, je dirais, de la visibilité dans les médias. Et à partir de là, c'est comme s'il y avait quelque chose comme si les vannes s'étaient ouvertes. Et effectivement, de grandes stars ont commencé, ou de grands noms ont commencé à valider ce genre d'approche, comme Elon Musk, par exemple, dont on a pu entendre parler. Oui, et d'ailleurs, on va en reparler, hein. Il n'y a pas que Elon Musk, il y a aussi le créateur de Twitter, puisque un tweet, le premier trick de Jack Dorsey qui a vendu un tweet sur NFT. Comment vous expliquez-vous cet engouement tout récent, Claire Belva ? Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. Je pense que, en plus de ça, il y a aussi un phénomène qui est lié à la hausse des cours des crypto-monnaies, qui fait que toute la communauté crypto a en ce moment, on va dire, plus de liquidités qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an, ce qui permet aussi d'expliquer des investissements potentiellement importants dans des œuvres numériques qui n'auraient peut-être pas pu avoir lieu il y a 6 mois ou il y a 1 an. Donc ça ne veut pas dire que c'est un phénomène ponctuel, mais je pense que ça peut expliquer aussi partiellement cette hausse. Et comme vous l'avez dit, il y a des exemples frappants comme les maisons d'enchères, comme Christie's, Sotheby's, qui popularisent finalement ces outils-là. Et on se dit, si des entreprises finalement traditionnelles comme celle-ci entrent dans la danse, c'est qu'on est sur des mécanismes solides et donc les artistes ont confiance et commencent eux-mêmes à émettre des NFT alors qu'ils n'étaient pas du tout familiers de l'univers crypto avant. Ouais. Oui, là pour ces quelques derniers mois, entre fin 2020 et début 2021, 1,5 milliard de dollars investis dans les NFT, donc on commence à brasser des sommes très importantes, Nicolas Poire. Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que vient de dire Claire. Effectivement, par exemple, l'acheteur de l'œuvre de Beeple, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. Donc l'acheteur, c'est ce qu'on appelle un crypto rich. Donc c'est quelqu'un qui a investi dans les crypto-monnaies et travaillé dans les crypto-monnaies il y a déjà un bon moment, qui est un des milliardaires en crypto-monnaies et qui considérait que c'était un bon moment pour effectivement pour marquer, alors lui pense marquer l'histoire de l'art, mais au-delà de ça pour démontrer qu'il peut y avoir des œuvres d'art réellement digitales. Donc je pense qu'on reviendra sur sur ce sujet-là. Oui, on va revenir sur ce sujet et on va déjà repartir et reposer les bases depuis le début. Ces NFT, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, on vous explique tout dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc à 16h15 des NFT, des non-fungible tokens, des jetons non-fongibles, en compagnie de Claire Balva et de Nicolas Poire. Avant d'expliquer un peu le principe et de reposer un peu les bases pour bien comprendre comment tout ça fonctionne avec la blockchain, j'aimerais vous poser une question à l'un et à l'autre. Un peu sous forme de défi, comment est-ce que vous expliqueriez à nos auditrices et à nos auditeurs, non pas ce qu'est un NFT, mais l'intérêt de posséder un NFT? Parce qu'on entend bien dans le discours médiatique qu'il y a toujours un peu cet aspect un peu incrédule de se dire, mais à quoi bon finalement posséder le titre de propriété d'une œuvre qui est reproductible gratuitement à l'infini? Claire Balva. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que derrière le mot NFT, il y a des choses assez différentes en fait. Les NFT, voilà, c'est des jetons qui représentent un objet physique, un objet numérique, et donc déjà l'intérêt va dépendre de ce qu'ils représentent. Et dans certains cas, par exemple dans le jeu vidéo, Nicolas pourra en parler mieux que moi, mais les NFT vont vous donner droit à avoir des récompenses dans un jeu vidéo. Dans certains cas, ça peut vous donner des places, par exemple, pour un événement en VIP. Donc, posséder un NFT, c'est potentiellement posséder l'objet physique ou numérique, mais c'est aussi posséder un ensemble de droits qui peut aller autour de ce NFT. Et ensuite, tout simplement, ça peut être aussi un engagement, je dirais, en tant que fan, par exemple, d'un artiste. Ça peut être un engagement en tant que fan, je sais pas, d'un joueur de football. Donc, il peut y avoir une dimension très affective, mais il y a aussi une dimension rationnelle en fonction des droits que ce NFT vous confère. Nicolas Poire, votre réponse à cette question sous forme de défi. C'est un bon défi. Ouais. Je rebondirai sur ce qu'a dit Claire et puis j'irai un petit peu plus loin sur les droits effectivement que ça peut offrir. En particulier, puisqu'on parle beaucoup de reproduction des images, on est en train de, enfin si on regarde, en plus on n'a pas parlé des NFT trop des NFT dans le monde de la musique, mais on voit bien que c'est aussi une manière de tracer les droits de propriété et en particulier les revenus. Donc effectivement, quand on parle de simples images, c'est pas tout à fait évident aujourd'hui encore de comprendre l'intérêt premier. En revanche, pour la musique, si vous vous projetez sur une plateforme comme Spotify ou Deezer, eh ben on peut imaginer que d'un seul coup les propriétaires de tokens qui représentent un morceau vont être les destinataires de tous les paiements que la plateforme propose. Donc en fait, c'est vraiment une manière de tracer et d'identifier qui est le propriétaire réel du NFT. Et donc, on peut s'imaginer, pour les œuvres d'art, pour les images elles-mêmes, on peut imaginer demain, par exemple, des musées virtuels, comme il y en a beaucoup en ce moment, hein, le Louvre, etc., qui ouvrent leur plateforme. Mais on peut imaginer que si je suis propriétaire d'un NFT qui représente une œuvre d'art digitale, eh ben, tous les visiteurs qui viendront regarder mon œuvre, qui auront payé pour entrer dans ce musée virtuel, eh ben, moi, je recevrai ma part de tout ce volume de nouveaux visiteurs. Donc, ça paraît très économique, mais c'est vraiment une manière de tracer. Non, mais c'est très intéressant et c'est très important. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, avec notre doctorante, hein, sur cette question des droits d'auteur, finalement, qui sont un peu bouleversés ou au contraire, peut-être fixés, enfin, une bonne fois pour toutes, dans un univers numérique dont on sait qu'il est difficile de lutter contre le piratage. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Je vais vous soumettre aussi une autre image qu'on trouve assez régulièrement pour essayer de comprendre l'intérêt de ces NFT, puisque on a bien compris que les NFT, ce sont donc les titres de propriété, c'est pas l'œuvre elle-même, mais le titre de propriété de l'œuvre à travers la blockchain qui l'identifie de manière a priori inviolable. C'est un peu finalement comme posséder le titre de propriété d'un tableau très célèbre dont n'importe qui peut avoir une copie dans son salon, mais vous serez propriétaire de l'œuvre initiale dans le monde réel, en quelque sorte, Claire Balva. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un nouveau support numérique qui du coup peut avoir des caractéristiques augmentées peut-être par rapport au support physique habituel, puisqu'on peut ajouter une dimension de programmabilité. On peut déclencher automatiquement des royalties, par exemple. On peut gérer un marché primaire et un marché secondaire de manière plus efficace. On peut aussi sortir ce NFT d'une plateforme qui habituellement serait centralisatrice et puis le vendre sur d'autres plateformes. Donc on a vraiment un champ des possibles qui est étendu, je dirais, par rapport aux certificats de propriété traditionnels qui souvent étaient sous format papier ou quand ils étaient sous format numérique, ils étaient centralisés. Nicolas Poire. Oui, et ben j'ajouterais à la programmabilité ce qu'on appelle l'interopérabilité. Ça veut dire que effectivement, on a parlé de ces jetons, de ces droits, donc des numéros d'identification sur une base de données partagée. Donc ça, c'est la blockchain, mais je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là. Non, mais on va y revenir dans un instant par ailleurs. Mais allez-y, je vous en prie. Alors du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut, n'importe qui peut aussi créer des expériences, créer des accès en partant de ces jetons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, comme vous prenez cet exemple de « je possède une œuvre d'art, j'ai le droit de propriété », eh ben imaginez que demain, en fait, ce droit de propriété, il vous permette de rencontrer l'artiste que vous préférez, par exemple. Alors que ça pourrait n'avoir rien à voir. Ou alors, il pourrait vous permettre aussi d'avoir une réduction quand vous allez dans telle ou telle boutique. Voilà. Donc là, c'est d'un seul coup, c'est ce niveau, cette couche d'interopérabilité qui est due au numérique aussi, qui permet d'ouvrir le champ des possibles à grande échelle. Alors, très rapidement, parce qu'on a déjà fait plusieurs émissions autour de la blockchain, mais pour que nos auditrices et nos auditeurs qui ne les ont pas encore entendues, et on va évidemment leur mettre un lien sur notre fil Twitter, s'ils sont curieux de revenir exactement et un peu plus dans le détail sur cette question de la blockchain, mais je vous propose rapidement de dire en quelques mots comment ça fonctionne, sans entrer dans le détail, mais qu'on ait au moins les éléments nécessaires à la compréhension de ce que nous allons nous dire tout au long de cette heure, Claire Balva. Alors, ce qu'on appelle la blockchain, en fait, c'est l'ensemble des technologies, je dirais, qui font fonctionner les crypto-monnaies, les crypto-actifs. Donc, très concrètement, c'est comme un registre, une sorte de base de données qui va regrouper toutes les transactions faites dans une crypto-monnaie. Et ces transactions sont structurées en blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs, donc une blockchain. Et la grosse particularité de ce registre, c'est qu'il n'est pas stocké sur un serveur central, mais qu'il est vraiment dupliqué sur plein de serveurs partout sur la planète. Et donc, c'est pas une banque centrale ou une institution qui va gérer à elle toute seule ce qui se passe dans l'univers de cette crypto-monnaie, mais c'est une communauté qui va participer à la gestion de ce registre. Et évidemment, il y a des algorithmes qui permettent de mettre le registre à jour avec les nouvelles transactions de manière automatisée. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de décentralisé et qui permet d'avoir des monnaies qui fonctionnent sur Internet et qui ne sont pas centralisées par une institution. Et donc, grâce à ça, on peut s'échanger de la valeur, stocker de la valeur de pair à pair sans dépendre d'un intermédiaire de confiance. Et ça, c'est vraiment important. C'est aussi une des caractéristiques des NFT, c'est qu'on peut stocker de la valeur soi-même sans dépendre techniquement de quelqu'un qui va la stocker pour vous et qui potentiellement demain peut changer quelques lignes de code et décider que vous n'avez plus rien. Et c'est cette décentralisation qui rend d'ailleurs par ailleurs, et c'est aussi très très important, a priori, mais on y reviendra là aussi, ce procédé infalsifiable, Nicolas Poire. Oui, c'est ça. Alors, bon, ça repose vraiment sur ce que vient de décrire Claire, c'est-à-dire que il y a un réseau qui est décentralisé et donc toutes les opérations qui sont faites sont sur ce réseau sont en quelque sorte vérifiées par tous les participants à ce réseau. Et donc effectivement, si quelqu'un essayait, comme disait Claire, de modifier justement un NFT, de modifier les droits de propriété, modifier le code lui-même, en fait, l'ensemble des parties prenantes du réseau pourraient se rendre compte qu'il y a eu falsification et donc pourrait d'une certaine manière dénoncer ou en tout cas mettre en valeur le fait qu'il y a eu tricherie ou tentative de tricherie. Ça, c'est quand on fait la métaphore, techniquement, en réalité, la tentative ne passe juste pas sur le réseau et le réseau n'accepte pas ce genre de comportement vicieux. Donc donc voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui apporte l'infalsifiabilité de la blockchain, c'est vraiment le fait que l'ensemble des parties prenantes peuvent vérifier l'état de la blockchain. Et qu'on comprenne bien, quelle est exactement finalement, Nicolas Poire, la différence entre un NFT et une crypto-monnaie ? C'est quoi la différence entre un NFT et un Bitcoin, par exemple ? Voilà, alors le Bitcoin, c'est ce qu'on va appeler un bien fongible. Et le NFT, c'est le non-fungible token, donc c'est le token non-fongible, le jeton non-fongible. Donc la différence entre fongibilité et non-fongibilité est assez simple à comprendre. En réalité, nous sommes plutôt entourés d'objets non-fongibles dans notre vie de tous les jours. Votre téléphone, un verre, un objet, les objets que vous avez, ils sont tous bien identifiés, uniques, ils ont leur propre histoire, leur propre rayure, si c'est, je sais pas, vos lunettes, etc. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des biens non fongibles, uniques, identifiés, alors que le fongible, c'est tout ce qui va pouvoir être utilisé plutôt comme la monnaie, évidemment, hein, c'est le meilleur exemple d'objet fongible. Le fait de pouvoir prendre un euro pour un autre euro, peu importe la pièce que vous utilisez ou le billet que vous utilisez, il a toujours une certaine valeur et puis il peut être divisé en dixième, en centième, etc., en partie. Et en fait, en général, ce qu'on oublie souvent de penser, c'est le lien entre les deux. C'est-à-dire que souvent, pour pouvoir accéder à des objets non fongibles, on utilise des objets fongibles, des assets fongibles, de la monnaie. Pour pouvoir acheter quelque chose, on utilise de la monnaie. Parce que le fongible, c'est finalement c'est la création d'un milieu homogène pour échanger de la valeur. Donc c'est pour ça qu'un bitcoin vaudra un autre bitcoin exactement de la même façon et les deux seront utilisables bien de façon identique, alors qu'un NFT ne vaut évidemment aucun autre NFT. Un NFT est strictement unique, Claire Belva. C'est ça. Exactement. Alors l'autre distinction qu'on peut faire, c'est effectivement que un bitcoin, par exemple, a sa propre blockchain. Et donc derrière Bitcoin, vous avez la blockchain Bitcoin qui liste l'ensemble des transactions faites en Bitcoin depuis sa création. Il y a plein d'autres crypto-monnaies qui fonctionnent sur ce modèle. Les NFT souvent fonctionnent par-dessus une blockchain existante. La plupart d'entre eux fonctionnent par-dessus la blockchain Ethereum, qui est la blockchain numéro 2 après la blockchain Bitcoin, qui fonctionne avec une crypto-monnaie qui s'appelle l'Ether. Et donc, les NFT, en fait, fonctionnent avec des programmes qu'on va insérer dans cette blockchain pour créer des nouveaux jetons sans forcément recréer une blockchain à chaque fois. Ouais. Et pourquoi ça fonctionne avec Ethereum, d'ailleurs, et pourquoi pas avec Bitcoin ? On a une explication à ça ? C'est principalement une question de standards établis, de nombre de personnes dans la communauté. C'est pas que ça peut pas fonctionner avec Bitcoin, hein. Il y a des choses qui existent sur Bitcoin techniquement pour créer ce qui ressemblerait à des NFT. Mais c'est vrai que sur Ethereum, c'est arrivé plus vite, cette facilité de faire des programmes dans Ethereum. Et donc aujourd'hui, il y a une communauté qui est peut-être plus importante sur Ethereum que sur Bitcoin pour gérer les NFT. Et la plupart des grandes plateformes aujourd'hui de NFT sont plutôt liées à Ethereum qu'à d'autres blockchains. Un mot peut-être également historique, c'est intéressant parce que les premiers NFT, je parle sous votre contrôle à l'un à l'autre, en 2017, et ce sont des petits chatons assez mignons, mais qui commencent à s'échanger à des valeurs assez élevées, sont les CryptoKitties. Nicolas Poire, vous pouvez nous expliquer pourquoi ou comment c'est né de cette manière-là, et ce que c'était que ces CryptoKitties exactement? Alors du coup, si on est précis, c'est pas tout à fait les voilà. premiers. On a parlé effectivement de Bitcoin à l'instant. Il y a eu ce qu'on appelait des colored coins à l'époque, qui était une tentative de justement créer de l'unicité sur la blockchain Bitcoin. Puis après, effectivement, sur Ethereum, avec la capacité native d'Ethereum à avoir finalement des programmes, ça se voulait être un ordinateur mondial, Ethereum aussi au départ. Donc il y avait cette capacité à créer des programmes. Et puis il y a eu une tentative un peu moins connue, mais qui est aussi atteint des valeurs extrêmes, qui s'appelle les CryptoPunk. Oui. C'était après les CryptoKitties, non? C'était avant? Peu importe, c'est pas très important. Je suis pas très précis là-dessus non plus. Ils sont plus simples d'une certaine manière. Ils sont dans la chaîne, donc c'est. Enfin bref, c'est une autre. Effectivement, on peut vérifier la date. Et les CryptoKitties, en fait, eux, c'est né vraiment d'un hackathon. Donc vraiment, Claire parlait des communautés. La communauté Ethereum était assez importante. Et donc le concept était assez simple, c'était de se dire, on peut peut-être créer effectivement de l'unicité sur la chaîne. Qu'est-ce que les gens préfèrent finalement regarder sur Internet? Des chats. Et donc faisons pour essayer. C'était vraiment une tentative de faire connaître en fait la blockchain justement au monde entier. Et ils se sont dit le chat c'est ce qui va attirer peut-être le plus de gens qui sont peut-être pas tout à fait familiers de cette technologie. Et par ailleurs. Sauf que le fondateur des CryptoKitties était biologiste à la base et il s'est dit qu'est-ce que je peux avoir de réellement unique dans un jeton? Il a pris la métaphore du brin d'ADN et du coup dans chaque chat en fait il y a un certain nombre de caractères qui représentent le code génétique unique du chat et donc ils ont justement puisqu'on peut programmer, on peut faire en sorte que les chats s'accouplent et créent de nouveaux chats. Il y a donc 4 milliards de possibilités de CryptoKitties basées sur cette petite suite de code. Un mot sur ces CryptoKitties, Claire Balva, et surtout peut-être aussi une question comment est-ce qu'on explique que le montant des transactions sur ces CryptoKitties soit allé aussi haut, puisque pour ce que l'on pourrait considérer, évidemment, on comprend bien que c'est plus complexe que cela, mais ce qu'on pourrait considérer comme de simples dessins de chats qui finissent par se mélanger pour en obtenir de nouveaux, sur finalement quelque chose d'assez simple, de ce qu'on appelle des collectibles dans le langage du jeu vidéo, des choses que l'on peut collectionner, on arrive à des sommes, certains chats qui se sont vendus à près de 100 000 euros, avec pour un montant total de transactions de plus de 5 millions de dollars. Pourquoi est-ce que c'est monté aussi haut? Alors, c'est un peu la même explication que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 2017, il y a eu aussi une hausse assez rapide du cours des crypto-monnaies, alors qu'il paraît assez ridicule par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Mais c'était quand même monté jusqu'à 20 000 dollars fin 2017, ce qui était très important pour l'époque. Et donc, un certain nombre de personnes qui avaient investi dans la crypto plusieurs années auparavant se sont retrouvées avec des liquidités importantes et finalement avaient envie aussi de favoriser cet écosystème crypto. Et donc, cette opportunité de participer à une innovation technologique qui touchait aux crypto-actifs, c'était pour eux un moyen aussi ludique de favoriser l'écosystème. Et donc, on s'est retrouvé effectivement avec des investissements très importants à l'époque. Aujourd'hui, alors j'ai pas regardé la plateforme CryptoKitties depuis longtemps, je l'avoue, mais il me semble qu'on n'est plus sur des montants aussi importants. Non, j'ai regardé, ça a effectivement un peu baissé, mais ça s'est monté relativement haut. Nicolas Poire, sur finalement ce qui ressemble quand même de très très près à une bulle spéculative, que ce soit pour les CryptoKitties, et puis on va en reparler pour d'autres tokens, pour d'autres jetons aujourd'hui qui sont d'ailleurs pas forcément de l'art numérique. Oui, effectivement, je pense que c'est très lié au cours des crypto-monnaies, comme on l'a dit, et au fait qu'il y a eu aussi de plus en plus de projets qui se sont lancés du coup au fur et à mesure des années. Donc de plus en plus d'investisseurs qui très tôt dans ces projets sont devenus très riches parce que ça leur ça leur a donné accès à de la crypto-monnaie à des prix très très bas. Ces crypto-monnaies ont pris donc beaucoup de valeur. Et donc aujourd'hui, c'est une manière aussi de réinvestir dans l'écosystème, de soutenir cet écosystème. Et pour une, donc ça, c'est vraiment pour, je dirais, une petite partie, une communauté cœur de ces différents réseaux de blockchain. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a deux types d'investisseurs. Il y a des investisseurs, des spéculateurs, donc vraiment court terme, qui se disent que avec la flambée des crypto-monnaies, en investissant très tôt dans les NFT, ces choses-là vont prendre de la valeur et puis vont pouvoir revendre très rapidement. Mais il y a aussi, et on peut reprendre le cas de Metacovan, qui est l'acheteur donc de la fameuse œuvre à 70 millions d'euros. Lui, par exemple, investit sur du long terme, et en fait, il veut constituer la plus grande collection des premiers NFT, parce qu'il considère que c'est un moment historique. Donc lui, ne touche pas du tout, ne spécule pas d'une certaine manière. C'est vraiment pas son enjeu. Son enjeu, c'est de créer une vaste collection, comme on pouvait avoir des collectionneurs d'art au fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui avaient conscience qu'une communauté était en train de révolutionner l'art et s'emparer de ce qui était à l'époque ce petit écosystème. Je pense qu'on a vraiment les deux types d'investisseurs, mais les deux, les spéculateurs court terme et les investisseurs long terme, finalement font monter effectivement les valeurs très haut. Et on va aller dans quelques minutes rencontrer un artiste qui a choisi de vendre quelques-unes de ses œuvres via NFT. On va se poser des questions de savoir ce qui peut être tokenisé. Vous allez voir qu'il y a des choses assez surprenantes. Et puis on va évidemment revenir sur cette question centrale de la philosophie du droit d'auteur à l'épreuve des nouvelles technologies. Ce sera notre doctorante dans la recherche Montre en main dans quelques minutes. I know the world's a different place. A silent field without my face, you'll see. It all comes back. I hope you're happy and you're safe. There's somewhere someone gives you faith you'll need. It all comes back to your tree. Rover sur France Culture, To This Tree. On aime évidemment énormément Rover, autant Olivier Bétard que moi, et nous sommes ravis de vous le faire écouter. Nous parlons de NFT, des jetons non fongibles, tout au long de cette heure, en compagnie de Claire Balva, qui est directrice de blockchain et cryptoactifs. C'est chez KPMG, et Nicolas Pouard, qui est directeur de la blockchain initiative et responsable du lab d'innovation stratégique d'Ubisoft. On va évidemment parler des NFT dans les jeux vidéo dans quelques minutes, mais on va commencer par aller à la rencontre, je vous le disais, d'un artiste qui a décidé de vendre une partie de ses œuvres en NFT. Il s'agit de Rodolphe Barzikian, que vous êtes allé rencontrer. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je me suis rendu à la rencontre de l'artiste Rodolphe Barsikian. Rodolphe Barsikian est graphiste de formation et dessine sur ordinateur des formes vectorisées qu'il assemble ensuite dans des images grand format ou bien dans des volumes et des sculptures. Son exposition « Vie digitale » vient de s'achever à la Galerie Joseph à Paris et je l'ai rencontré dans cet espace d'exposition pour parler du choix récent qu'il a fait de rendre accessible une partie de son œuvre en NFT. Pour l'artiste, ce moyen de vendre une partie de son œuvre n'entre pas en contradiction avec le fait de vendre les œuvres incarnées. Bien au contraire, c'est également un moyen d'élargir son travail à une communauté plus vaste de nouveaux collectionneurs. Alors, Vie digitale, c'est un parcours artistique. Je cristallise tout le processus créatif. Le digital vous permet d'explorer différents champs d'application. Vous aurez des sculptures en résine 3D, des sculptures en PMMA, plus appelées vulgairement plexiglas. Une grande bibliothèque de formes qu'on pourrait imaginer un dossier sur un écran d'ordinateur ou sur votre doc dans lequel vous regroupez des milliers d'images qui ont été créées pendant plus de 20 ans. C'est tout un ensemble. Sur votre pratique artistique, il faut quand même qu'on précise un petit peu la nature de ces images et la nature de leur fabrication. Ce sont des images qui sont d'abord fabriquées sur ordinateur. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre rapport à cette création virtuelle, on va dire entre gros guillemets? L'art digital, ça regroupe énormément d'applications. Vous avez des gens qui travaillent le collage, qui travaillent sur Photoshop par exemple. Vous avez aussi par exemple la photo numérique, vous avez des photographes, vous avez des gens qui travaillent la vidéo. Moi je suis un peu génération vectorielle, j'ai choisi parce que j'ai une affinité, j'ai un amour du dessin industriel, je me suis concentré exclusivement sur le dessin vectoriel, sur l'art vectoriel. Quelle est l'importance? Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, dans votre travail, c'est quand même que vous partez d'un support non matériel pour aller vers un support matériel. Est-ce que c'est pour vous une nécessité que l'image s'incarne? Ou bien est-ce que l'image peut tout à fait rester de l'ordre du virtuel et rester un fichier numérique sur un ordinateur? Non, je pense qu'on n'est pas dans la... Je ne voulais pas confronter les deux mondes, si vous voulez. Il était important pour moi c'est une exposition de partage. On est dans une exposition plutôt muséale. Les pièces sont importantes. C'est pour montrer cette possibilité qu'on a de matérialiser certaines pièces créées sur ordinateur et de les transposer dans le monde réel. C'est surtout le parcours qui est mis en avant, si vous voulez, le processus mental de l'artiste, du créateur, face à l'application avec laquelle il va travailler. En soi, l'application n'est qu'un outil. Je dessine avec une souris, mais je dessine aussi avec la tête. C'est ça qui est important, parce qu'on imagine, parce que je suis de formation graphiste, et les graphistes, on a cette capacité qu'on apprend au fil des années, si vous voulez. On est inventeur de systèmes mathématiques poétiques, j'ai envie de dire, qui sont poétiques à la fin, évidemment. Mais bon, on invente des systèmes de fabrication, d'imbriquement, pour homogénéiser une image, pour lui donner un mouvement. Digital, c'est aussi un grand dessin animé, hein, c'est une grande animation. Le dessin vectoriel vous le permet. On est dans un espace traditionnel d'exposition, une galerie à Paris, on est au milieu d'œuvres. Vous faites le pari de ne pas rester, de ne pas vous cantonner à cet espace-là et vous vous êtes intéressé au NFT pour commercialiser partie de votre travail. Alors expliquez-moi un petit peu votre rapport. Je ne suis pas intéressé au NFT, le NFT est venu à moi, si vous voulez. C'est un peu ça la chose, parce que le NFT a permis à des gens qui travaillent le digital, des gens comme moi, à un moment donné, d'avoir la capacité d'être propriétaire, on va dire, de nos œuvres, de nos dessins, de nos créations, et de mettre le projecteur sur tout cet art, si vous voulez, qui a été, je dirais pas dénigré, mais qui n'a pas été observé à sa juste valeur, si vous voulez. Et cette actualité nous a permis, si vous voulez, nous donne encore, nous permet d'asseoir encore le travail, si vous voulez, de montrer aux gens, voilà, il y a des artistes du digital, il y en a beaucoup, hein. Quand vous regardez Instagram, vous avez des gens qui travaillent le digital depuis des années, si vous voulez. Et oui, c'est très profiteur pour nous, parce que ça nous permet, si vous voulez, d'asseoir, on pourrait dire, je vais pas dire cette école, mais c'est une sorte de mouvement, on va dire. Enfin, à mon avis, je pense. Le NFT, c'est aussi très important. Moi, je suis un gamer. Je joue à des jeux. Je fais partie d'une guilde. Ça peut être drôle comme ça, mais je suis un gamer. Le NFT, ça vient aussi. C'est une attitude, c'est une autre façon de voir les choses. On échange, par exemple, dans les jeux de stratégie qui sont sur Internet, qui sont connectés, où vous jouez avec le monde entier, si vous voulez. Vous avez toute une génération de gens, si vous voulez, qui vendent leurs comptes. Donc, c'est déjà, si vous voulez, monétisé en quelque sorte. On parle de communauté. Le NFT, c'est aussi, ça vous permet, si vous voulez, de montrer le travail à une certaine communauté, des personnes qui ont déjà accès. Alors, Alors je vais mal expliquer, mais ça vous permet de créer votre propre communauté. Voilà, je dirais plutôt. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec le NFT, parce que quand on regarde les gens qui achètent les NFT, sont surtout les gens qui sont des ingénieurs ou des gens qui sont dans l'informatique. Beaucoup de gens du GAFA aussi. C'est quand même un type d'acheteur, un profil d'acheteur assez précis quand même. Vous voyez. Pour la partie, alors ce qui est assez drôle, c'est que pour la partie physique, mes acheteurs sont des gens qui travaillent, par exemple, qui sont des architectes ou des ingénieurs informaticiens aussi, vous voyez, sans que je le mette, si vous voulez, dans le sans que je sois digital réellement, sans que j'aurais pas vendu, si vous voulez, un NFT. Ils ont acheté des œuvres physiques, vous voyez, et il y a une cohérence entre les personnes, on va dire, physiques et les personnes et les acheteurs de du web ou de NFT. Je veux dire, à un moment donné, il y a les jeux. Un jeune de 20 à 30 ans aujourd'hui, pour lui, c'est quelque chose de concret d'acheter une image digitale. C'est, ou un code, on va dire, parce que c'est un code. C'est assez étrange comme ça. C'est vrai que c'est assez étrange. Ce qui est assez hallucinant, c'est que vous êtes propriétaire de l'œuvre, mais vous pouvez aussi la partager, si vous voulez. On la verra, elle est toujours exposée sur Internet. Il y a cette idée-là. C'est des idées qui sont nouvelles, donc qui demandent réflexion. Savoir comment on va les partager et les exposer. Voilà ce portrait de Raphaël Barsikian, cet artiste qui, comme vous venez de l'entendre, s'est lancé dans le NFT. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Claire Balva, Nicolas Poire. Nicolas Poire, pour commencer. Ma première réaction, c'est que je trouve que ça résonne très bien, effectivement, avec nos préoccupations dans le monde du jeu vidéo, effectivement, mais aussi, je trouve que ça fait appel à un concept qui est mis en avant dans les humanités numériques ou l'anthropologie numérique, c'est la fin de ce qu'on appelle le dualisme digital. Et le dualisme digital, c'est l'idée que finalement, il y a une opposition, et on l'entend hein, dans l'extrait, l'artiste a refusé l'opposition entre le monde réel et le monde virtuel. Et en fait, cette opposition-là, nous, qui sommes peut-être pas natifs du digital, on l'a, ou en tout cas tardif, on va dire, mais on l'a vécu, presque natif. Voilà, presque natif, allons-y. On était un peu vieux quand ça a commencé, voilà. Mais on est encore très jeune. Voilà. Donc cette opposition, finalement, a tendance à disparaître, vraiment en train de disparaître pour les jeunes générations. Et peut-être certains éléments qui manquaient pour qu'elles disparaissent tout à fait, cette opposition réelle-virtuelle, c'est la possibilité effectivement de faire des échanges directs, comme on peut le faire dans la vie. On peut donner quelque chose de main à main. Et ben là, avec les NFT, on se retrouve à pouvoir vraiment donner la propriété de quelque chose via ces réseaux. Et l'unicité aussi, le fait, c'est vraiment cette idée qu'il puisse y avoir de l'unicité dans le monde qu'on appelait jusqu'à présent virtuel et qui va peut-être arrêter de s'appeler virtuel. Claire Balva, votre réaction à ce reportage? Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Nicolas. C'est vrai que ça résonne beaucoup et je trouve que ça répond bien à une des critiques que moi j'entends souvent sur les NFT, c'est-à-dire oui, mais finalement tout ça c'est virtuel, donc ça n'existe pas vraiment. Mais en fait, le numérique, c'est déjà là depuis longtemps. Et donc, pour notre génération, on est tout à fait habitué à acheter des choses qui sont virtuelles. Aujourd'hui, quand vous achetez une musique, un jeu vidéo, c'est déjà complètement numérique. Et l'art numérique existe d'ailleurs déjà depuis longtemps. Je pense aux films animés, aux dessins animés, etc. Donc, cette dimension artistique dans le numérique, elle existe depuis longtemps. Et ici, ce qui est intéressant avec le NFT, c'est que ça va permettre aussi à des artistes indépendants de se faire connaître et de pouvoir vendre en direct leurs œuvres plutôt que de passer par des process traditionnels qui étaient parfois assez lourds et avec des intermédiaires centralisateurs qui prenaient des commissions importantes. Nicolas Poire, j'aimerais qu'on aborde, puisque vous travaillez chez Ubisoft, hein, la question du jeu vidéo, parce que pour le coup, le NFT dans le jeu vidéo, notamment, comme on l'entendait dans le reportage, dans le jeu vidéo en ligne, dans le jeu vidéo massivement multijoueur, c'est potentiellement une nouvelle forme de monétisation, d'échange, de transaction. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu la philosophie qu'il y a derrière et ce qui peut effectivement peut-être arriver à une nouvelle forme d'échange et de transaction. Alors je ne vais pas dire virtuelle parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais en tout cas numérique. Allons-y. Oui, je vais essayer de pas prendre trop de temps, parce qu'effectivement, c'est vraiment le sujet qui est au cœur de mon travail, donc je risque de dépasser un peu, donc arrêtez-moi si je suis trop long. Mais allez-y, expliquez-nous, je vous arrêterai si vraiment vous dépassez à 17h45, d'ici une heure, je vous dirai que c'est un peu trop long. D'accord. Donc effectivement, d'abord, je vais revenir sur ce que disait Claire tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que l'idée fondamentale, c'est cette idée d'interopérabilité et de transfert de pair à pair, qui permet donc de finalement sortir d'espaces numériques clos comme un jeu vidéo. Jusqu'à présent, dans un jeu vidéo, quand on achète effectivement un objet dans le jeu vidéo, tout ça reste en clos à l'intérieur, encore une fois, de cet espace virtuel, numérique, etc. On peut pas sortir l'objet de ce lieu, donc dans un jeu comme World of Warcraft, mm-hmm. ou comme Fortnite, ou dans nos jeux, comme Assassin's Creed. Les objets achetés par les joueurs sont dans l'inventaire du joueur, et tout ça reste dans un jeu. Là, la proposition de valeur, elle est de se dire que ces objets-là, d'un seul coup, on peut aller les vendre sur un Le Bon Coin pour objets virtuels. Pour objet numérique. Mais c'était déjà un peu le cas chez Blizzard, hein. C'était un peu le cas dans Warcraft, c'était un peu le cas dans Diablo. On pouvait aller, il y avait des forums d'échange, des maisons d'enchères virtuelles dans lesquelles on pouvait revendre ces objets, même d'un serveur à l'autre ou même éventuellement dans l'univers Blizzard d'un jeu sur l'autre. Mais même, enfin, justement, c'est pas éventuellement, c'est du coup dans l'univers Blizzard. Toujours dans l'univers Blizzard. D'accord. Et dès qu'on en sortait, on était dans du marché noir ou du marché gris. Oui, tout à fait. Il y avait un laisser-faire. Et là, aujourd'hui, en fait, la blockchain permet nativement, et les NFT permettent nativement de se dire, un objet virtuel qui est lié à un NFT peut être revendu sur n'importe quelle place de marché, et il peut y en avoir plusieurs. Donc, en fait, ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est un ensemble de places de marché, comme il y a un ensemble de grands magasins dans la réalité, et dans l'idée, avec l'idée, du coup, d'apporter quelque chose qui, effectivement, n'est pas, dont on n'a pas l'habitude dans le monde virtuel, qui est un marché de seconde main, un marché de l'occasion du virtuel. Et ça, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire que ça permet de rendre légal quelque chose que les éditeurs chassaient plus ou moins ou toléraient plus ou moins, c'est notamment la revente de comptes, la revente de personnages montés, c'est-à-dire ces joueurs qui ont passé des heures et des heures à avoir un personnage de haut niveau et qui ensuite le remettent en vente, en général à des sommes assez considérables. Ça permet finalement de court-circuiter ce marché que vous dites noir ou gris. Oui, alors de le court-circuiter, mais enfin, c'est oui, on peut le présenter comme ça, mais c'est aussi c'est aussi quelque chose qui est au bénéfice du joueur surtout. C'est-à-dire que d'un seul coup, le temps qu'il a investi, on reconnaît que le temps investi dans un jeu a une valeur et que dès lors que le joueur veut passer à autre chose, on a assez de jouer à tel ou tel jeu, eh ben oui, il peut revendre ses objets de jeu. Comme on peut revendre encore une fois les jouets sur Le Bon Coin. Donc il y a une régularisation d'un phénomène qui était déjà existant et qu'on a tendance aujourd'hui à appeler, donc c'est un nouveau terme, pour l'instant en anglais, le play to earn, qui est un nouveau type de modèle d'affaires, avec l'idée encore une fois qu'il y a de la valeur réelle puisque c'est ancré sur de la blockchain et donc c'est lié quand même aux crypto-monnaies. De jouer pour gagner, hein, de devenir joueur professionnel, c'est-à-dire passer son temps à développer des univers, des personnages, des équipements dans des jeux vidéo et donc de le proposer à la revente pour les joueurs qui sont moins patients. J'aimerais qu'on parle un peu du droit d'auteur parce que c'est aussi un élément très important et il s'avère que c'est le sujet de recherche de notre doctorante de la recherche montre en main. Nous recevons aujourd'hui Margot Bassoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en deuxième année de thèse à l'université Grenoble-Alpes au laboratoire CRJ pour Centre de Recherche Juridique. Vous travaillez sur la philosophie du droit d'auteur à l'épreuve des nouvelles technologies, études du cas de la blockchain. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors depuis quelques minutes, les NTF vous sont présentés. Dans le contexte du crypto-art, ces tokens constituent une forme de titre de propriété sur une œuvre qui ont pour particularité d'être hébergés sur une blockchain. Vous savez, ce fameux grand registre de transactions partagées et réputé impassifiable, qui n'a d'ailleurs pas fini de révéler ses applicatifs. Eh bien, mes recherches portent justement sur la confrontation de cette fameuse blockchain au droit d'auteur. Pourquoi étudier le droit d'auteur? Parce que c'est un microcosme, un écosystème qui répond à sa propre logique, ce qui a le mérite de rendre indépendant et en fait un cadre d'études privilégié. L'objet de mes recherches est de comprendre de façon globale comment les nouvelles technologies doivent être appréhendées par le droit. Après avoir dressé la liste de tous les aspects du droit d'auteur touchés de plus ou moins loin par l'essor de la blockchain, la conclusion a été sans appel. Tous seront impactés. Par exemple, pour se constituer la preuve de la création d'une œuvre, Blockchain Your IP propose de dater l'œuvre en l'ancrant sur la blockchain. Ou encore, au cours de la vie de l'œuvre, des initiatives de la SACEM émergent déjà afin de tracer la diffusion des œuvres et elle envisage même de générer la rémunération des artistes via sa blockchain. Enfin, les outils de traçabilité des produits font des blockchains un allié précieux dans la lutte contre la contrefaçon. Face à ce constat, le sujet devait être abordé plus largement, remonter à la source du droit d'auteur, à sa philosophie, à sa genèse. Fini l'appréhension du temps court et place au temps long. Les juristes diront que l'approche du sujet est un peu trop ésotérique, loin des enjeux actuels et manque de pragmatisme. Pourtant, les nouvelles technologies, surtout celles qui peuvent être qualifiées de disruptives, c'est-à-dire qui rompent avec les pratiques antérieures, perturbent l'existant et changent de point en point les pratiques. Ces technologies-là sont actrices de la création du droit d'auteur et intrinsèquement liées à son évolution. Démonstration par l'histoire. L'imprimerie de Gutenberg a précipité la naissance du droit d'auteur. Les œuvres connaissaient une large diffusion par les libraires, lesquels captaient les revenus de leurs ventes pendant que les auteurs, eux, vivaient de la pauvreté ou du bon vouloir des mécènes. Plus proche de nous, la révolution du numérique, Internet, scroller, streamer, e-books et téléchargements. Première dynamitation d'un droit qui, après 2 siècles d'une lente construction, voit la notion de frontière et son mode de consommation voler en éclats. Lois, décisions judiciaires, droits européens, tous se mettent au pas des pratiques des internautes. Aujourd'hui, place à une nouvelle étape dans l'évolution du droit d'auteur, notre star de l'émission, la blockchain. J'imagine que vous avez tous entendu au moins une fois cet adage. Nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, parfois, il n'existe pas de solution figée. Tout contrevenant à une règle encore ignorée est tout à fait passible d'être sanctionné. Souvent, les acteurs qui contribuent à développer les technologies émergentes se trouvent démunis face au cadre juridique, aux lois qui leur sont applicables. Des lois existent. S'il est facile de savoir lesquelles s'appliquent, il est bien plus ardu de savoir comment. Face à un objet juridique non identifié, appliquer une loi imaginée 200 ans plus tôt ou rédigée de manière ultra spécifique pour encadrer les pratiques des grandes plateformes de e-commerce relève du casse-tête. Afin de gagner en prévisibilité dans l'application de la loi, l'objectif de mes travaux est d'anticiper les règles du droit d'auteur de demain. La solution que je propose est l'édiction d'une grille de lecture pour appréhender les nouveaux usages dont les nouveaux fameux NTF sont un exemple parmi les nombreux autres à venir. Cette grille de lecture doit permettre d'inscrire ces nouveaux usages et plus largement les futures autres nouvelles technologies dans la continuité et la cohérence du droit d'auteur afin notamment de ne pas fragiliser son équilibre économique. Malgré les tempêtes, le droit d'auteur plie mais ne rompt pas. Le droit d'auteur est bien vivant. Vive le droit d'auteur. Merci beaucoup Margot Bassoli. Vive le droit d'auteur. Une réaction rapide à ce que vous venez d'entendre, Nicolas Poire. Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment une révolution qui est fondamentale sur cette question des droits et que ça va permettre effectivement aux artistes et créateurs, parce qu'on rentre dans une économie des créateurs, de pouvoir mieux défendre leurs droits. Claire Balva. Non, complètement d'accord. Moi, je trouve que c'est super qu'il y ait justement des thésards qui s'emparent de ces questions parce que c'est un univers complètement nouveau. Il faut savoir qu'en France, on est quand même assez en avance sur la régulation des crypto-monnaies. On a des labels pour les entreprises qui proposent de l'échange de crypto-monnaies auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, on a déjà un univers en termes de régulation qui est particulièrement abouti, qui est plus abouti que nos voisins. Mais sur ces sujets de tokens non fongibles, c'est pour le coup tellement nouveau qu'il y a beaucoup d'interrogations et moi, je le vois souvent, des entrepreneurs viennent me poser des questions sur ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire. On les accompagne aussi sur cette partie juridique, mais on est obligé de raisonner par analogie par rapport au droit existant parce qu'il n'y a pas de loi spécifique sur ces sujets-là. Deux questions pour conclure cette émission. La première, parce que c'est un enjeu et ça fait partie des controverses actuelles autour de ces NFT, c'est celle sur l'empreinte carbone. Parce que, eh bien, encore une fois, toutes ces blockchains, il faut les faire tourner, c'est gourmand en énergie. Un mot ou un commentaire assez rapide là-dessus, Nicolas Poire. Oui, bah, en réalité, ce par quoi Claire a commencé, c'est-à-dire que le terme blockchain recouvre plusieurs technologies différentes. Aujourd'hui, effectivement, il y a donc deux grands types de consensus, d'algorithmes de consensus, donc qui gèrent, si vous voulez, la blockchain. L'un qu'on appelle le proof of work, qui est effectivement très consommateur d'énergie. Et il y a beaucoup preuve par travaux. Le travail, où il faut preuve par le travail. Voilà, merci. Il faut refaire voilà. tous les calculs à chaque fois, et ça consomme beaucoup de ressources, ouais. Exactement. Et sinon, il y a la preuve d'enjeu, ou proof of stake, qui elle, et je dirais. Plutôt fonctionne comme une base de données classique, donc qui est pas plus consommatrice d'énergie que encore une fois les bases de données classiques ou le numérique en tant que tel. Donc s'il y a une critique à faire, c'est effectivement plutôt sur ces algorithmes de consensus, mais ils ont quand même aussi leur raison d'exister. La preuve de travail a sa raison d'exister, mais c'est un débat trop long. Preuve d'enjeu, voilà, on est dans la critique globale, finalement, de la consommation d'énergie, du numérique, en général. Et puis, la preuve d'enjeu qui n'est pas encore bien, bien développée, on en avait parlé dans nos émissions sur la blockchain, on ne va pas y revenir. J'aimerais vous poser cette dernière question à l'un et à l'autre pour finir. Est-ce que, finalement, ces NFT, ça n'est pas, d'une certaine manière, le fait de pousser à son paroxysme la notion de propriété privée, c'est-à-dire de reconquérir justement par une méthode non falsifiable des espaces qui étaient certes des espaces de marché noir, de marché gris, voire de piraterie, mais qui étaient encore des espaces d'une certaine forme de liberté d'échange, Claire Balva. Oui, c'est vrai que les NFT permettent d'avoir une véritable propriété numérique. Donc je comprends pourquoi vous le voyez sous cet angle. Ah moi je ne le vois pas sous cet angle, c'est une question que je pose. Ça n'est pas mon point de vue personnel, voyons. C'est très juste. Je l'avais. C'est la première fois que j'entends cet angle-là. Donc c'est tout à fait juste. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces technologies-là sont beaucoup poussées par des communautés qui sont plutôt favorables à l'open source. Donc malgré tout, on permet plus de propriété privée sur des actifs qui ont une valeur numérique. Mais tout ça de manière très auditable et très transparente. C'est pas non plus une logique de centralisation, de propriété privée dans le sens de centralisation, mais c'est plus une logique de propriété privée et de décentralisation et de transparence. Nicolas Poire, à ce propos, pour conclure. Oui, c'est ça. Je pense que tout le propos est là, c'est de se rendre compte qu'on est en train de créer de nouvelles institutions, que le numérique maintenant fait vraiment partie de nos vies, que la création de ces nouvelles institutions s'appuie sur de la décentralisation, et c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau, et donc c'est assez difficile à appréhender. Et en fait, ce que ça, je dirais, si je réponds avec le pendant en fait de la propriété privée, c'est toute la réflexion sur les communs. Et en fait, cette réflexion sur les communs, elle est très forte dans le monde du web et dans le monde aujourd'hui. On s'interroge sur où sont les nouveaux communs. Et en réalité, les NFT, la blockchain est en train de structurer un espace qui était un peu un Far West, qui était le numérique. Et aujourd'hui, on est dans une situation où peut-être enfin, on peut construire des institutions digitales fortes en pensant les communs et la propriété privée ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, Nicolas Poire, en un mot, juste un tout petit mot à propos de One Shot League, dites-nous. Juste en un mot, ce que c'est, mais un mot parce qu'on est à la fin de l'émission, vraiment. Très bien, on a exploré l'interopérabilité en travaillant avec une start-up qui s'appelle Soraire. Ce sont des panini, des cartes de foot digitales. Voilà, on va vous mettre là aussi des liens sur notre fil Twitter. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour la clarté de vos explications sur ces NFT. Merci Claire Balva, merci Nicolas Poire, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandre Morales qui ne récupérera pas mes personnages de Warcraft, Antoine Bouchon, Natacha Triou, Céline Lezen, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Demain, c'est un jeudi histoire des sciences. Nous reviendrons sur l'histoire de ce pays qui a tout conquis et qui a pourtant presque tout perdu. Le premier satellite artificiel, c'était eux, le premier animal, le premier homme dans l'espace, la première sortie extravéhiculaire, le premier tour de la Lune, tout ça c'était eux, et pourtant l'histoire retiendra que sont les États-Unis qui ont gagné la course à l'espace. On parle demain du programme spatial russe à 16h, jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.